L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Entre Noël et Nouvel An, le LEM propose 3 après-midi pour découvrir comment voyager sur la Lune en suçant un bonbon. C'est un spectacle jeune public dès 8 ans qui revisite l'héritage de Georges Méliès. Zoé, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes chargée de médiation et communication au LEM. Du 28 décembre au 30 décembre à 16h, donc le lieu ouvrira ses portes à cette histoire pleine de magie, mais c'est aussi l'occasion de redécouvrir ou découvrir peut-être le LEM, qui est 11 grandes rues à Nancy. Alors le LEM, si on devait le présenter en quelques mots. Donc le LEM, c'est un théâtre qui se situe aux 11 grandes rues, comme vous l'avez dit. C'est un théâtre qui est géré par la compagnie Envers et Contre Tout depuis 2014. Et LEM, c'est un acronyme, je ne sais pas si vous saviez, c'est pour lieu d'expérimentation marionnette. Donc on est un lieu spécialisé marionnette et art associé, mais pas que. On s'intéresse aussi à la musique, au conte, à la lecture, au théâtre contemporain. Mais on est surtout axé marionnette et art associé. Le LEM, c'est un lieu de diffusion de spectacles. On reçoit des spectacles, mais on fait aussi de l'accueil de compagnies en résidence. On accompagne des compagnies, c'est aussi un lieu de travail pour la compagnie Envers et Contre Tout. Et on a toute une partie action culturelle, donc on intervient auprès des tout jeunes enfants, des étudiants aussi. Là, ce samedi, on accueille les étudiants de l'Université de Lorraine, du diplôme universitaire de théâtre et pratique créative. Il se passe plein de choses, LEM. C'est très, très varié. On invite bien sûr les auditeurs à découvrir tout ce que vous faites. Et là, avec donc ce prétexte aussi de ce spectacle du 28 au 30 décembre, comment voyager sur la Lune en suçant un bonbon? Bonne question. Donc ça, c'est un spectacle de la compagnie La Rouille qui parle du coup de Georges Méliès. Est-ce que vous connaissez Georges Méliès? C'est un génie précurseur des effets spéciaux au cinéma, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Et on a de la chance, au LEM, entre Noël et Nouvel An, on accueille 2 descendants de Méliès, dans leur tente de bonbons et de jouets, qui appartenaient à leur aïeul quand sa carrière battait un peu de l'aile. Ils vont nous conter la folle histoire de Georges Méliès, et comment il a, grâce à une pastille à la menthe et une expédition sur la Lune, une vraie expédition sur la Lune, et il a sauvé sa carrière. Moi, je propose qu'on embarque avec eux, parce que c'est magique, c'est en musique, et il y a des bonbons des Vosges aussi, donc je pense qu'il faut vraiment venir. Voilà, ça c'est l'argument ultime, les bonbons des Vosges, bien sûr. Et c'est à partir de quel âge, ce spectacle? C'est à partir de 8 ans, mais tout le monde peut venir à partir de 8 ans, c'est pas que pour les enfants. Pour aller au-delà du pitch aussi du spectacle, on peut expliquer un peu la scénographie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Parce que c'est assez magique. Ouais, donc la scénographie, elle est signée par Sarah Poulain. C'est super papier. Et c'est une scénographie qui est entièrement faite en papier découpé. C'est super joli, il y a plein de couleurs. Et c'est vraiment très beau à voir. J'imagine qu'il faut réserver peut-être sa place? Oui, donc il faut réserver sur notre billetterie. Vous pouvez aller sur notre site internet, c'est lelem.fr. Il y aura un lien vers notre billetterie. On est à prix libre. Au LEM, quasi tous nos rendez-vous, ils sont à prix libre. C'est une participation financière libre et consciente. Ça veut dire que vous payez votre billet au montant que vous souhaitez, à minima d'un euro. Vous devenez acteur et actrice de votre consommation parce que vous payez le prix que vous trouvez juste. Ça permet de créer un autre rapport à l'argent qui régit actuellement un peu la société, hein. Et on s'éloigne du modèle classique de profit et de rentabilité, mais tout en participant quand même au financement du spectacle. Et c'est une pratique solidaire. Elle permet à chacun et à chacune, quels que soient ses moyens et ses revenus, de profiter des mêmes services. Celles et ceux qui donnent plus compensent pour celles et ceux qui ont moins de moyens. Et voilà, au LEM, c'est important pour nous de pouvoir proposer la culture à tous et toutes comme ça. Comment voyager sur la Lune en suçant un bonbon? Ce spectacle à découvrir du 28 au 30 décembre, c'est à 16h, c'est ça? C'est à 16h, c'est ça, le dimanche 28, lundi 29 et mardi 30. Voilà, une bonne occasion de voyager pendant ces vacances de fin d'année. Et les fins d'année et les débuts d'année 2026 au LEM, ça se présente comment? Ça se présente bien. On va bientôt sortir la programmation de la seconde partie de saison de janvier à juillet. On propose d'ailleurs le 22 janvier une présentation de saison sous forme d'apéro au LEM. On avait déjà fait ça en septembre pour la première partie de saison. C'était la saison sur un plateau. Et là, on remet le couvert le 22 janvier. D'autres événements peut-être pour ce début d'année? Je crois qu'il y a un stage. C'est ça. On propose en janvier un stage de lecture à voix haute autour de la nouvelle littéraire avec Coco Bernardis de la compagnie Les Fruits du Hasard. Ça se passe les 20, 23, 26, 27 janvier de 18h30 à 20h30. Il reste encore quelques places et il y aura une restitution publique le 30 janvier. Donc si vous ne participez pas au stage, vous pouvez quand même venir voir un peu ce qui s'est passé pendant ce stage de lecture à voix haute, pendant la restitution. Et si on veut retrouver toutes les infos concernant le LEM, on fait quoi ? On va sur notre site internet lelem.fr et sinon on a aussi des réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. C'est @lelemtheatre. Merci Zoé pour cette présentation. Merci Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.